Puis là, je suis désolé. Je monte de temps en temps devant, toujours. Je le fais parce que dans une autre harmonie, donc les autres ne jouent pas. Ça me dérange pour jouer. Mais autrement, moi, j'ai appris à jouer Jankawa. Pour moi, Jankawa, c'est un endroit où tout le monde se respecte. C'est bon, c'est pas mon gars. Je te laisse, je ne voulais pas. Excusez-moi.